que j'irai là-bas. J'irai là-bas. Oui, bah elle est partie. Elle est partie. Ah, voilà le maître. Le maître de la guitare. Il est parti. The master of ceremony, MC Bilos. Il y a des tempêtes et des naufrages. Le feu, les diables et les mirages. Je te sais, je m'entends. J'aime bien, je m'entends chez Gérald 3 heures après. Et voici la nouvelle Star Academy cette année avec des nouveautés. Get up, get up. Oh yeah, live like a sexual alien. Sexual alien. Oh, sexual alien. Hit it from I know sexual alien. Oh, I'm getting up tonight. Baby, I'm old just like over. I need some loving. Baby, I come on it much longer. Ça devient de plus en plus. Je sens que j'ai une sexualité. Je sois. Je sois. Besoin d'amour, yeah, bébé, je ne peux pas rester comme ça. Je suis dans cet état, j'ai besoin de remèdes sexuels. Je me sens si bien, ça me soulage l'esprit. Ouais, tu parles mon cul. Un remède sexuel, bébé, c'est bon pour moi. Ma stabilité émotionnelle s'échappe. Alors, je t'en prie, je peux prendre le téléphone et t'appeler pour me soulager. Chérie, je sais que tu seras là pour me soulager. Putain, c'est chaud cette chanson. Lève-toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi, faisons l'amour ce soir. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi, parce que tu le fais, c'est bien. Allez bébé. J'ai besoin d'un remède sexuel. Allez, viens prendre le contrôle de mon corps. Pour mon esprit, c'est pas grave. Tu es mon médicament, ouvre-toi et laisse-moi entrer. Je t'en prie, ouvre-toi, laisse-moi rentrer. Qu'est-ce qu'il nous met, Gérald? You've been la la la dee dee la la la la. Thank you.